Écoute-moi bien, Gordon. Je sais que tu es le chef du clan des ninjas de la Force Diamant. Je sais aussi que tu es hérité des pouvoirs magiques de tes ancêtres, les ninjas Warriors. Mais tu ne me fais pas peur. Moi, je suis un descendant des ninjas noirs et j'ai pour intention de reconstruire l'empire de mon clan. Dans peu de temps, je serai le maître de ce pays. Afin de réussir, je vais être obligé de t'éliminer, Gordon. Des confessions choc ici à Plectrum, la grande traversée du jeudi. Bonjour tout le monde, c'est toujours André Péloquin au micro. On commence dès maintenant notre deuxième heure avec des pièces plus ou moins pop rock. On va avoir directement de l'Ontario du Tokyo Police Club. On va aussi avoir un duo de Teddy Bears en compagnie de Iggy Pop. Mais avant, débutons avec une formation française qui chante en anglais. Ça s'appelle One Two et la pièce c'est Oh Yeah Alright. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, ça se passe au plectrumcism@hotmail.com. Le site web de CISM, c'est le cism893.ca. On débute dès maintenant cette deuxième heure avec One Two sur la marge. À tout de suite! So clear. English words for French singers. Power pop up to the top. Sometimes I'm lost in my words. All I wanna hear. So clear. We'll be right back. C'était Tokyo Police Club avec la pièce Nature of the Experiment. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours Plectrum en ma compagnie André Péloquin. Un peu avant, on avait les Teddy Bears en compagnie de Iggy Pop, c'était la pièce Punk Rocker. Et on a débuté avec One Two, c'était la pièce Oh Yeah, Alright. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir du Champion remixé par Ghislain Poirier. On va aussi avoir du Rapture avec Get Myself Into It, leur succès, remixé par Sebastian. On va aussi avoir du super thriller avec I Just Wanna Dance. Mais on va débuter dès maintenant avec les Klaxons. Ça va être la pièce Four Horsemen of 2012, exactement. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, ça se passe au plectrumcism@hotmail.com. C'est mon courriel. J'ai aussi un podcast. Si ça vous dit de consulter ça, c'est au podmodernisme.blogspot.com. Vous pourrez télécharger, je crois qu'il y a environ une quarantaine d'épisodes de cette balado-diffusion en archive. Et j'imagine que vous pourrez trouver quelque chose qui vous plaira dans le lot. Et trêve de bavardage, et on débute dès maintenant avec les Klaxons sur les ondes de CSM. Plasma screen. just won't dance. Hanging with my girl and all her fancy curls. Still wanna dance. Come on, get in. That's kind of neat, really. Just wanna dance. Studio 54, kicking it on the floor. Yeah, just wanna dance. Come on, get it. We'll be right back. De champion remixé par Ghislain Poirier. Ghislain Poirier, d'ailleurs, qui commence une nouvelle série de soirées aux Zoo Bizarre. Ça s'appelle Relax le Gros, histoire de faire contraste avec Bounce le Gros. C'est pour écouter de la musique, danser un peu, mais ça se veut un peu moins dansant, un peu moins intense que ce qui se fait à Bounce le Gros. Il va d'ailleurs commencer cette série de soirées jeudi le 16 novembre prochain, en compagnie de DJ Love de Ninja Tune. Un peu avant, on avait The Rapture avec Get Myself Into It, le Sebastian Remix. Un peu avant, c'était Super Thriller avec I Just Wanna Dance. Et on a été avec les Klaxons, c'était Four Horsemen of 2012. On va poursuivre maintenant avec un petit peu de hip-hop. On va avoir entre autres Cranes avec Kryptonite, le remix. Un peu avant, on va avoir DJ Nicky T, qui a fait un mash-up d'à peu près 4 artistes. Il y a du Notorious B.I.G., du Chris Cross, vraiment beaucoup de monde. Et c'est construit surtout sur la pièce Jump de Chris Cross, alors vous devriez apprécier un bon vieux classique des années 80 dans le temps qu'on était jeune, qui comportait des jogging. Mais on va débuter avec une valeur sûre, c'est Love Me or Hate Me, un autre énième remix de cette pièce de Lady Sovereign. C'est une production Chaos de DJ JR qui fait un mash-up de cette pièce avec le classique Sweet Dreams de Eurythmics. Et mon dieu, on dirait que ces deux pièces-là ont été faites pour être imbriquées ensemble. Si vous avez des questions, les commentaires vraiment spéciaux, des plaintes, passez par mon courriel. C'est le plectrumcism@hotmail.com. Si vous voulez avoir plus de détails sur les pièces qui ont été jouées, sur les archives, peu importe, eh bien, passez par mon blog. C'est le plectrumcism.blogspot.com pour avoir plus de détails sur la programmation de CISM. Ça se passe au CISM893.ca. On va aller maintenant avec, et je cite, « The biggest midget in the game ». C'est le S.O.B. sur la marge. À tout de suite. Oh, no. magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember what? Rapping Duke? The hard. You never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Puck, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call the crib, same number, same hood. It's all good, good, it's all good, good. Here we go now. Enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgy, decor, he invest. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do what? Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me, frightened niggas give me heebie-jeebies. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone. Here we go now, what? Here we go now, what? Here we go now, now let's rock y'all, let's rock y'all. Rep for the kids in every hood, and all my people doing a bit. Now you know what's coming, the queen delivered the mail. 730,000 first week of my sales. The haters caught and they watch looking all pale. While I'm on a yacht overseas doing my nails. No digger. Now he's sitting there looking stuck. He thinking cause he spent the load though I'm gon' fuck. If money ain't a thing, I'm saying let a bitch know. Type to empty your account, how far are you willing to go? Now we hopping on a jet, he ain't wasting no time. Told me all it's been paid, any place I can find. Hit the islands in the winter, tricking all on his dime. Ain't a shorty in the world, pussy better than mine. They wanna. Here we go now, what? Here we go now, what? Here we go now, now let's rock y'all. Let them know if it's jail, I get to stop and hit it to sleep. Fuck it, I go. Freak, I be out in the week. stray geeks swerving down your street in the stolen Bonneville with 23s on the feet. The legend Rocky D. Brown, back in time to beat it down. Give me face, I love the sound. Slap the face, they hit the ground. Back in the 8, flicked a pickup with some beat eyes that don't play. On that kryptonite we stay, so how we might fly away. I be on that kryptonite, straight up on that kryptonite. I be on that, straight up on that, I be on that kryptonite. I be on that kryptonite, straight up on that kryptonite. I be on that, straight up on that, I be on that kryptonite. Get high, make them ugly faces. Smoking raw and I'm on probation. My blood, I don't be lacing. I'm on that kryptonite. Come to my kryptonite. Let me beat that puss all night. Run, tell your buddies how fuck you ride. Tell them about all the blacks on the wall. Tell them how you lick my ball. Tell them how concrete run the street. Big boy, he put us on. Chevy bottle slanging powder. Simpson rolled through Dixie Hills. Diamond pressed against that wood candy paint. Spinning wheels, grind time. Rap gang member, bitches, killer kill. Purple ribbon, rolling O's. And we all be on that I be on that kryptonite. Straight up on that kryptonite. I be on that, straight up on that. I be on that kryptonite. I be on that kryptonite. Straight up on that kryptonite. I be on that, straight up on that. I be on that kryptonite. C'était Kryptonite, le remix de Crames. Un peu avant, on avait DJ Nikiti avec Jump, un mashup d'un paquet de MC populaires. Et on a débuté avec un autre mashup, cette fois-ci de DJ JR des Chaos Productions. C'était bien sûr un mashup de Eurythmics en compagnie de Lady Sovereign et son plus récent tube Love Me or Hate Me. C'est déjà ma dernière intervention pour ceux qui se joignent à nous. Bonjour, je m'appelle André Pédaquin et j'anime Plectrum, la grande traversée du jeudi. Vous arrivez un peu tard, mais on se reprendra la semaine prochaine de 16h. C'est déjà ma dernière intervention, comme je vous le disais, avec mon espèce de français d'habitant d'une quelconque région que je viens d'inventer. Appelons ça la campagne. Et c'est ça, on va se laisser avec des caisses un petit peu plus indie rock. On va avoir entre autres du Arcade Fire, un classique avec Neighborhood One. Nouvelle série de concerts d'Arcade Fire à Montréal qui se prépare, qui se trame en ce moment, c'est pour une bonne cause. Je vous en reparle dès bientôt, dès que j'aurai plus de détails à ce sujet. On va aussi avoir du Chin Up Chin Up avec la pièce This Harness Can't Ride Anything. Et si on a le temps, on va jouer le Panda Band, la pièce Sung Enough, We're Almost Not Even Here, Part 1, pièce épique de près de 6 minutes. Je m'appelle André Flequin, comme je vous le disais. On peut me rejoindre en semaine au plectrumcism@hotmail.com. Si vous voulez avoir plus de détails sur la programmation d'aujourd'hui, consultez le blog, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Si vous avez du temps à perdre, eh bien, podmodernisme.blogspot.com, c'est ma balado diffusion. Et pour avoir plus de détails sur l'émission, sur moi, ou encore sur le reste de la programmation de CISM, consultez le site cism893.ca. Et l'émission qui suit, c'est l'excellent palmarès du jeudi en compagnie de la charmante Catherine Perrault. On débute dès maintenant avec Arcade Fire. À la semaine prochaine. Parents are crying, then I'll dig a leaving. The sunsets and drops that I left outless, hidden underneath your oldest heart is can't ride in a bit. The sunsets and drops that I left outless, hidden underneath your I'm